J'adore la saga Il était une fois en Chine. J'adore Souyark et son travail avec Jet Li sur les premiers épisodes est fantastique. Je m'étais arrêté sur l'épisode précédent lorsque Jet Li avait cédé sa place. Cela m'avait un peu refroidi et le charme a été rompu. Mais pour le challenge VHS, c'était l'occasion de voir cet épisode réalisé par Sammo Hung, le flic de Shanghai, et signant le retour de Jet Li dans le rôle du docteur Wong. Cette fois, notre fantasque docteur va se rendre en Amérique. Je sais, c'est dans le titre, et dès son arrivée, leur diligence sera prise en chasse par des Indiens. Au terme du combat, le disciple et la tante rejoignent la ville accompagnés de Billy le cow-boy. De son côté, le docteur est sauvé de la noyade par les Indiens et souffre d'amnésie. Évidemment, ils vont se chercher et se retrouver, mais après bien des combats. Je dois bien admettre que, de prime abord, je craignais une soupe un peu du sous-Shanghai Kid avant l'heure. Et j'ai été très agréablement surpris. On retrouve la naïveté des personnages et des situations qui déteignent gentiment sur le Far West qui nous est dépeint. Et les combats sont superbement chorégraphiés et mis en scène, ce qui est quand même le minimum lorsque le réalisateur est l'un des meilleurs chorégraphes de Hong Kong.